Moi, l'impression que j'ai, c'est que la génétique, à l'avenir, ça va être comme la météorologie. C'est-à-dire qu'en météorologie, on connaît parfaitement les lois qui dirigent le comportement de l'air, de l'eau, et finalement, il n'y a pas beaucoup plus que ça à comprendre, l'ensoleillement, etc. Et pourtant, avec les meilleurs ordinateurs du monde, on ne prévoit pas le temps qu'il fait au-delà de 15 jours, de toute façon. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas calculer, c'est parce qu'il y a un horizon théorique qui fait qu'on ne peut pas calculer au-delà de ça. Et je pense que la génétique, c'est pareil. Il y a 20 000 gènes qui interagissent les uns avec les autres. La fonction des uns dépend de la fonction des autres. Et ce système est intrinsèquement compliqué.